Nous continuons notre série dans les dons de l'Esprit-Saint. Et encore une fois, l'idée, c'est de nous édifier les uns les autres, de nous fortifier, de nous préparer au travail que Dieu veut faire dans votre Église et dans vos vies privées. Le titre aujourd'hui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pas un sujet facile. Jésus parle d'argent souvent dans le Nouveau Testament. Environ un sixième des évangiles et un tiers des paraboles parlent de la réalité de l'utilisation de nos finances. Jésus, évidemment, n'était pas dans la business de ramasser des fonds. Ce n'était pas son désir, mais il voulait négocier avec notre cœur, avec l'importance de la générosité dans notre cœur. Donc, c'est évident qu'il travaille là-dessus dans la parole parce qu'il sait à quel point nous avons des difficultés à ce niveau-là. Je vous l'ai déjà dit, on dit qu'il y a trois conversions. Celle de la tête, ah, ça a du sens. Celle du cœur, oui, Seigneur, je te donne mon existence. Et finalement, celle du porte-monnaie, qui est peut-être celle la plus difficile. D'ailleurs, quand un prêcheur, un enseignant, ne parle pas de l'importance du temps, on va lui dire, mais il faut que tu parles du temps, le temps c'est important, on n'en a pas beaucoup, le temps fuit, il faut bien utiliser notre temps avec nos familles, avec ceux qui nous aiment, avec la société. Alors, c'est d'encourager la bonne utilisation du temps. On veut aussi que le pasteur nous parle de l'utilisation de nos talents, le temps, les talents. Ah oui, mais c'est important, il faut bien utiliser nos talents. Lorsque vous êtes musicien, que vous êtes des gens qui connaissez les finances ou la construction, il faut utiliser ça pour la glorification de Dieu. Mais quand c'est le temps de parler du trésor, de la bonne utilisation de notre trésor, les gens, habituellement, ne veulent pas en entendre parler. Ils se disent, ça, c'est entre moi et Dieu, c'est un phénomène très privé. Intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que on arrive aujourd'hui sur ce sujet? C'est un sujet un peu tabou, avec raison. C'est un sujet qui a été maltraité, qui a été mal utilisé pour mettre des pressions sur le corps du Christ depuis bien longtemps pour ramasser des sous ou pour l'Église, qui peut être un organisme humain, ou même pour le prêcheur ou le prêtre qui, lui, veut se retrouver en Rolls-Royce. Et il n'y a pas d'autre méthode que de presser le citron des brebis. Donc, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Mais la méthode de Calvary Chapel, on n'évite aucun sujet tabou lorsqu'il se présente naturellement dans la parole. Et voilà, nous y sommes. Nous sommes dans ce don que l'on retrouve dans Romains 12. Venez avec moi dans Romains 12, verset 6. Et c'est ça la beauté de passer systématiquement dans un texte, c'est que vous n'avez pas l'opinion du pasteur ou l'emphase de l'Église ou du mouvement, mais vous avez l'emphase que Dieu veut bien y donner à un moment précis. Romains 12, verset 6. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a devant vous. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. C'est bel et bien un don de l'esprit que le don de donner miraculeusement. Le don de donner, c'est la capacité surnaturelle de donner abondamment. De toute évidence, il faut que ce soit un don parce que, a priori, c'est pas évident pour personne d'entre nous d'être généreux de nos finances. Ici, l'utilisation de ce texte nous parle du super don. Le super don. Donner est quelque chose dont nous sommes tous responsables. Mais le super don est un don spirituel. Pourquoi je dis le super don? Parce que le mot grec qui parle de donner, simplement, c'est didomai. Didomai, ça veut dire donne-moi un 25 sous. Didomai, donner. Mais ici, le mot utilisé dans le verset 8, c'est meta didomai. Meta didomai qui veut dire le super don. être capacité de donner abondamment. Donc, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 16, 2, je vous le lis, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettez à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens. Chacun de nous, on est tous appelés à donner. Ah, mais c'est dur, hein, je ne veux pas donner. Chacun de nous, la Bible nous dit. Ensuite, elle dit, elle nous donne ce concept-là, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Mais ici, ce n'est pas de cela nécessairement dont on parle. Ici, c'est du don. Le don de donner, c'est ce don abondant que certains d'entre nous ont tendance à vouloir faire, naturellement. Il y a des gens qui, naturellement, vont vouloir donner plus que ce que la logique vous appellerait à faire. Plus que la logique vous appellerait à faire. Ici, on nous dit, celui qui donne, faites-le avec simplicité. Avec simplicité. Le mot simplicité nous parle de libéralité, hein, de façon libre, de façon sacrificielle. L'étymologie du mot simplicité ici nous dirait le choix de ne pas se retourner sur soi-même. Vous allez voir pourquoi. Le choix de ne pas se retourner sur soi-même. Donner sans penser à vos propres besoins. Oh, ben là, t'exagères, pasteur. C'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Donner sans penser à vos propres besoins. La simplicité, c'est qu'on a un motif, une raison pour faire cette chose-là, c'est de satisfaire le besoin. Il y a des gens qui regardent le besoin et naturellement, par l'Esprit Saint fait que ça devient naturel, veulent donner pour satisfaire ce besoin-là sans compter. Oui, mais moi, combien va m'en rester? Je ne vous dis pas que le don de donner, c'est de devenir pauvre et de se retrouver dans la rue avec sa famille. De toute évidence, pas. Mais c'est que tu comptes moins. Tu n'es pas toujours en train de compter, oui, mais si je donne ceci, qu'est-ce qui va me rester pour cela? Si je veux pouvoir les manger au resto, et là, on est toujours dans le calcul, chacun de nous, on fait cela. Donc, le don de simplicité, c'est ça. Avec un déterminisme, une détermination spécifique et simple. Ensuite, ça nous parle de sacrifice. De sacrifice. Vous savez, quand on donne, c'est pas supposé être public. Ah, regardez-moi, je donne! Puis là, regardez les zéros ici. C'est pas supposé être comme ça, c'est supposé être de toute évidence, caché. Parce que le but, c'est entre vous et Dieu que ce don-là se fait. Et ici, c'est cela. C'est donner sans être hypocrite, finalement, sans le montrer à tous. D'ailleurs, notre boîte ici, elle est à l'avant. Je préférerais qu'elle soit derrière pour que ni vous, ni moi, voyons qui que ce soit qui l'approche. Sauf que, avec la grosseur de l'édifice, et comme nous allons prendre un café dans l'autre pièce, je ne voudrais pas que nos ressources se retrouvent dans les mains de quelqu'un qui se baladait sur Sainte-Catherine. Voilà pourquoi elle est là, pour une simple raison de sécurité. Typiquement, ces boîtes-là, elles sont derrière. Elles sont derrière. On est tous appelés à investir dans le travail de Dieu. Nous sommes tous appelés à investir. Mais certains d'entre nous ont ce don-là de vouloir donner sans compter, de façon abondante. Et Dieu merci pour ceux qui ont ce don-là. Parce que beaucoup du travail de Dieu, vous allez voir un peu plus tard dans des exemples, beaucoup du travail de Dieu se fait grâce à certains individus qui donnent des quantités généreuses de leurs finances. Bon, mais on va voir tout à l'heure. Oui, mais moi, j'en ai pas d'argent. Bon point. On va voir comment la Bible nous dit de donner en général. D'ailleurs, commençons tout de suite à regarder le concept général du don financier. Je dirais que le concept en général, c'est « sois généreux ». Sois généreux. Il y a un homme qui a pris un billet de 5 $ et qui a écrit, on n'est pas supposé faire ça, mais il a écrit une note dessus, disant, avec un numéro de téléphone, disant « Appelez-moi pour me dire comment ce 5 $ aura été utilisé. » Et après 2 semaines, il aurait reçu des téléphones lui montrant comment le 5 $ aurait été utilisé. On nous dit que 5 fois, cet argent-là aurait été utilisé pour payer un salaire ou un dédommagement. Ensuite, 5 fois pour des cigarettes. 3 fois pour acheter des bonbons. 3 fois pour le restaurant. 2 fois pour des vêtements. 2 fois pour des coupes de cheveux. 1 fois pour acheter la nourriture. 2 fois pour laver des vêtements dans un laundromat. 1 fois pour faire réparer une voiture. 1 fois pour acheter un magazine. Mais aucune de ces fois-là, c'était pour donner la dîme, pour donner des sous dans le travail de Dieu. Tous ces besoins-là ont été satisfaits, mais le travail de Dieu, lui, finalement, 5 $ n'a jamais rentré dans l'Église, comme la plupart des gens ne rentrent pas dans l'Église. Ils rentrent dans toutes sortes d'endroits, mais ils ne rentrent pas dans l'Église. Venez avec moi dans Marc 12. Marc 12, verset 41. On retourne dans notre bon vieux Marc qu'on a appris à connaître. Marc 12, verset 41. Et c'est un exemple merveilleux du don d'une vieille dame qui donne abondamment. Qui donne abondamment. Et on pourrait dire qu'elle est là le don de donner, ou ce don de la générosité. Marc 12, 41, nous dit ceci. « Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. » C'est intéressant, Jésus regarde. « Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. » Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » On nous dit ici que Jésus regardait, le mot c'est « pos », de quelle façon les gens donnaient. Ce n'est pas nécessairement le montant qui intéresse Jésus, mais la façon dont les gens donnaient. Le mot ici, c'est le mot grec, c'est un « lepta ». Un « lepta », elle aurait donné ici, on dit un quart de sou ou deux petites pièces. Deux petites pièces, c'est, c'est deux « lepta ». Et les « lepta », ce n'est pas compliqué. Deux leptas, ça vaut 1/64 d'une journée de travail. 1/64. Bon, à ce moment-là, on s'imagine que c'était 5 sous par jour qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, quoi, on dirait peut-être 100 $ par jour. Je ne sais pas, disons 100 $ par jour, symboliquement. Elle aurait donné donc 1 $ et 56 sous. 1 $ et 56 sous de son don. Et Jésus a été impressionné par ce don-là. Mais pourquoi? C'est cheap en chien. Parce que pour elle, 1 $ 56, c'était, comme Jésus nous dit, c'était non pas son superflu, mais son nécessaire. En proportion, elle aurait donné beaucoup. Il y avait même un règlement rabbinique qui nous disait que tout ce qui était moins que 2 lepta n'était pas acceptable comme don. Tout ce qui était moins, donc tout ce qui était moins de 1 $ 56 était inacceptable. C'est qui l'exemple ultime du don? C'est de toute évidence, c'est pas Bill Gates. Oui, tant mieux que ce monsieur-là donne. Il donne des milliards de dollars. Et je ne crois pas qu'il le fait au nom de Christ. Il le fait par charité humaine. Merveilleux. Mais l'exemple ultime, c'est Christ. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Bill Gates, c'est pas sa vie qu'il donne. C'est des dollars et il en a beaucoup. Tant mieux pour nous, enfin. Jésus-Christ, lui, donne sa vie. C'est l'exemple ultime de celui qui se sacrifie. Et donc, il peut, à ce moment-là, demander le don. Demander le don. Le mot « donner » est utilisé à peu près 2000 fois dans la Bible. 2000 fois. Donner, ça fait vraiment partie d'un contexte biblique. Mais c'est aussi Dieu qui nous donne. Qui donne le plus? C'est Dieu. Dieu nous a donné la création, il nous a donné la vie, il nous a donné l'amour, il nous a donné les enfants, il nous a donné la nourriture merveilleuse. Quand tu penses que tout ce qui se trouve sur terre, ou la plupart des choses, c'est bon, c'est merveilleux. Les fleurs, c'est sans fin. Le don est avant tout de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » C'est ça le don de la générosité. C'est que par ta pauvreté, l'autre est enrichi. L'autre est enrichi. Bon. Ça nous amène tous, messieurs, dames, à des questions fondamentales. Bon, c'est bien beau, c'est spirituel, tant mieux. Bon, oui, mais là, moi, ça veut dire quoi au quotidien? Qu'est-ce que je fais avec mon cash? On travaille dur pour obtenir ces finances-là. Qu'est-ce que je suis posé faire selon le contexte biblique? Que faire avec les finances? Oh, on ne parle pas de ça. Bien au contraire, comme je vous dis, Dieu veut être souverain sur toutes les zones de notre existence. De l'argent jusqu'à la sexualité. Hein? On voit, ça couvre tout. Dieu ne se retire pas d'un endroit parce que ça, c'est humain. Pas du tout. Il s'adapte et il nous parle sur tout. Ça nous parle de la possession. Hein? On aime posséder des choses. Ça nous parle du don de soi. Ça nous parle de la confiance que Dieu va pourvoir. Est-ce qu'on a confiance que Dieu va nous donner? Si on donne, il faut bien que ça revienne. Hein, l'idée, c'est que si on abandonne quelque chose, on espère que d'une façon ou d'une autre, ça va revenir. Ça vient d'où l'argent? Tout vient de Dieu. Tout est à lui. Tout est à lui. C'est bien clair que plus que jamais dans l'histoire humaine, dans l'histoire de la chrétienté, les gens sont bombardés par des tentatives d'aller chercher l'argent dans leur poche. C'est pour ça que le mouvement Calvary Chapel a voulu se séparer de cela et tu mets une boîte et tu oublies ça. En 18 mois, à peu près, nous n'aurons parlé que de ce sujet deux fois. Jadis, lorsque l'ordinateur ne fonctionnait pas, et aujourd'hui. Donc, l'emphase, elle est seulement biblique et elle est légère. Parce que Dieu, il fait bien les choses. C'est Dieu qui met ça à nos cœurs et non pas une personne, un mouvement. Hein, on sait que l'Église traditionnelle québécoise envoyait et envoie des enveloppes par la poste, pré-postées, pré-adressées pour que vous envoyiez vos chèques de façon consistante. Hein? Alors, ce n'est pas du tout notre approche, de toute évidence. C'est quoi les grands principes bibliques du don financier? C'est quoi? Alors, on regarde ça ensemble. Premièrement, Dieu n'a pas besoin de nos dons. Oui, mais pasteur, vous vous mélangez, vous me dites qu'il faut être généreux, qu'il faut tout donner, mais là, tu me dis que Dieu n'a rien besoin. Tout à fait. Dieu n'a pas besoin de nos dons, il est complet en lui-même. Ah! Ça libère. De savoir que Dieu n'a pas besoin de vos sous, il n'a pas besoin de notre service non plus, il n'a pas besoin d'un pasteur, il n'a pas besoin de rien. Il peut tout accomplir par lui-même. Mais, il choisit de nous utiliser dans son économie. Dans son économie spirituelle. Dieu n'est pas fauché. Dans Psaume 50, 10, si vous voulez tourner, vous êtes bienvenus. Psaume 50, 10. Dieu n'est pas pauvre. Et d'ailleurs, bien des ministères qui mettent des emphases nous disent « Si vous n'envoyez pas vos sous à la fin du mois, nous allons devoir fermer nos portes. » Ben, notre théorie, c'est fermez-les. Fermez-les de vos portes. Peut-être que Dieu n'est pas là et que vous essayez de faire vivre quelque chose qui ne devrait pas vivre de toute façon. Chapitre 50, verset 10 nous dit que « Car tous les animaux de la forêt sont à moi. » 50, 10. « Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. » Tout est à Dieu. Il n'a besoin de rien. Alors, ça nous apaise grandement. Psaume 50-10. Dans Philippiens 4-17, on nous dit, « Ce n'est pas parce que je recherche les dons, Paul dit, ce que je recherche, c'est que foisonne le fruit porté à votre compte. » Et il suit, en disant, « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas que Dieu veut des sous, ce n'est pas qu'un ministère qui est équilibré comme celui de Paul désire du cash. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut permettre aux gens de participer au travail de Dieu dans son Église. D'ailleurs, il y a des gens aux États-Unis qui envoient un certain montant de sous pour nous aider à faire fonctionner cette Église. Ou sinon, ce serait impossible, à cause de la grosseur de notre congrégation. Mais de toute évidence, le désir, c'est que notre congrégation A, grandisse, et B, devient indépendante d'un autre pays ou de d'autres gens. Mais pourquoi est-ce que les gens là-bas enverraient des sous ici? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Rien. Sauf qu'il y a du fruit compté à leur raconte spirituel, divin. C'est là pour que foisonne un fruit porté à leur compte. Voilà pourquoi ils le font. Le deuxième grand principe. Premier principe, Dieu n'a pas besoin du cash. Deuxième principe, il faut donner gratuitement. Il faut donner gratuitement. D'ailleurs, il y a des ministères qui disent « Donnez et vous recevrez au centuple. » Et là, les gens se mettent à donner pour recevoir. Ce n'est pas du tout le but. D'ailleurs, quand on donne les uns aux autres, on ne donne pas pour recevoir, j'espère. On donne parce qu'on sait qu'on est appelé à donner. Matthieu 18, « Vous avez reçu gratuitement la vie éternelle, la vie point, donnez gratuitement. » Vous savez, donner fait partie du cycle de la bénédiction de Dieu. Dans la parole, on voit qu'il y a un cycle de la bénédiction de Dieu. C'est bien simple. En Proverbe 11, 25, « Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance, celui qui abreuve est lui-même abreuvé. » C'est beau, hein? L'idée, c'est que plus on donne, plus on reçoit. C'est vrai. Dans un couple, c'est un bon exemple. Dans un mariage, tu te rends compte que plus tu es chiche, plus l'autre devient chiche, plus l'autre devient égoïste, plus tu es généreux, plus l'autre apprend à donner, et donc tu reçois en échange. Je dis souvent ça. Et aux gens, pense à l'autre d'abord. L'autre, à ce moment-là, naturellement, pensera à toi et vous satisfaisez vos besoins les uns aux autres plutôt que de dire « Oui, mais moi, mon besoin. » D'ailleurs, c'est drôle, on fait ça beaucoup avec l'argent. « Mais moi, j'ai des besoins. Dieu ne m'aidera pas. C'est moi qui l'a gagné. J'ai travaillé fort. » C'est lui qui vous a donné votre force, votre intelligence, votre capacité. Donc, c'est lui qui, à ce moment-là, satisfera vos besoins. Donner gratuitement. Une autre vérité dans 1 Corinthiens 16, 2, c'est que nous sommes appelés à donner systématiquement et de façon régulière au travail de l'Église locale. Que chacun de vous, comme je disais tout à l'heure, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Des fois, on se dit, « Ah, mais je vais aider les Africains, ou je vais aider les gens ailleurs, ou « Ah oui, mais il y a des besoins missionnaires partout à travers le monde. » Il y a moins de chrétiens au Québec qu'à Cuba. Il y a moins de chrétiens au Québec que dans certains pays musulmans. Alors, en quelque part, il faudrait avoir une vision pour notre cours, à travers votre église locale ou à travers les ministères locaux, pour dire « Hey, faut pas lâcher le travail que Dieu nous a appelé à faire au Québec. » Regardons ensemble sept principes devant nous guider dans le don véritable. Sept principes. Tout ça, c'est pour vous aider, pour m'aider moi à mieux comprendre. Alors, j'ai fait une recherche assez vaste pour simplifier cette espèce de sujet tabou qui est tout simplement donner parce qu'on a besoin de cash. Oui, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Donner du cœur, principe 1, donner du cœur, c'est investir avec Dieu. Donner du cœur, c'est investir avec Dieu. Luc 6, 38. Venez avec moi. Luc 6, 38. Troisième livre des Évangiles. Chapitre 6, verset 38. Luc 6, 38. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donnez, et l'on vous donnera. Et Paul, lui, ramène le même concept dans 2 Corinthiens 9, 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Évidemment, il y a beaucoup de références aux fermes. Hein? Et on sait qu'un fermier, je rencontrais un fermier au marché Jean Talon, qui m'expliquait à quel point il travaillait très très fort durant quelques mois. Et ensuite, il se reposait, le petit chenapan. Je me disais, hey, pendant 4 mois, il ne travaille pas de l'année. Mais là, tu lui demandes, oui, mais pendant que tu travaillais, ça ressemble à quoi tes journées? 2, 3, 4 heures par jour, relax, au soleil? Oui, je me réveille à 3h30. À 4h30, je suis dans mon champ et je finis à 7h le soir. Alors, tu vois, là, il moissonne et puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Il travaille très, très fort pour préparer la terre, pour planter la graine, ensuite pour s'assurer que ces plantes-là poussent bien. Mais après, il y a un repos. C'est quoi le repos? C'est que Dieu ramène. En donnant à Paul le travail de l'évangélisation du monde, puisse s'accomplir. On le sait, dans Philippiens 4, 18, « J'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance, disait-il. » On sait très bien qu'il vivait simplement. « Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum, de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui. » Dieu aime. C'est comme un « Ah, wow! » D'ailleurs, on voit ça quand quelqu'un donne un cadeau. Ce sacrifice-là nous fait du bien. C'est rarement la bébelle. C'est rarement ce qu'on reçoit qui nous satisfait. C'est le fait que cette personne-là a pris 100 $ de son argent, puis est allée au centre-ville, puis est allée dans un magasin, puis a cherché, puis est allée sur l'Internet, puis a travaillé fort. Puis là, il nous a donné ça, puis c'est comme « wow! » Puis même si on met la bébelle dans un tiroir, c'est l'intention qui nous intéresse. C'est l'intention qui nous intéresse. C'est l'intention qui nous transforme. Donner du cœur, c'est investir avec Dieu. Deuxièmement, le don véritable doit être sacrificiel. Bon, c'est là qu'on commence à comprendre les montants. C'est là qu'on commence à comprendre que c'est pas compliqué, il faut que ça soit un petit peu douloureux. Si cette même personne-là nous donne un cadeau de 5 $ qui est allé chercher au magasin 1 $, ben, on se dit, ben, OK, il me semble que tu as une belle maison, un beau char, ben, pas de problème, ça me fait plaisir, merci, mais ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même... parce qu'on sait que l'effort a été minimal, le sacrifice a été minimal. David, on offre à David une terre à Jérusalem, et il refuse de prendre une terre gratuitement dans 2 Samuel. Il refuse, il dit, « Au roi, je te donne tout, et Arauna dit au roi, que le Seigneur ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi lui dit, « Non, je l'achèterai à son prix. Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des holocaustes ou des sacrifices qui ne coûtent rien. » David acheta l'aire et les bœufs pour 50 sicles d'argent. Il dit simplement, « Je ne veux pas donner quelque chose à Dieu qui ne m'a rien coûté. » D'ailleurs, vous connaissez l'histoire du fermier qui obtient 2 vaches. Hein? Et il dit à Dieu, « Voilà, tu m'as donné 2 belles vaches en ce moment de crise. Je te donne cette belle vache ici, parce qu'elle sera à toi, tout ce qu'elle m'amènera, le lait et tout. » Le lendemain, il se retrouve malheureusement, une des 2 vaches, de toute évidence, était bien malade, et cette vache mourut. Et il s'en va dehors, et il se met à pleurer, « Oh non !» Et il regarde, évidemment, les 2 vaches étaient identiques, ou c'était des vaches, il n'y avait pas de nom, il venait de les avoir hier. « Oh non, Dieu, ta vache est morte, ta vache est morte. » C'est souvent comme ça qu'on agit. C'est ce qui appartient à Dieu, ben désolé. Malheureusement, bien, c'était secondaire. Et puis, ça faisait plaisir tant que j'avais des sous. Mais à partir du moment où j'en ai plus, bien, on en reparlera plus tard. David refuse cette mentalité-là. La générosité, comme je vous ai dit, n'est pas mesurée par la quantité et la grandeur du don, mais par le cœur. 3. La responsabilité de donner n'a rien à voir avec le montant que l'on possède. Dans Luc 16, celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Apprendre à donner, et c'est bien plus facile quand on a peu de sous. D'ailleurs, on nous dit qu'il faut apprendre aux enfants à donner rapidement. Parce que tout simplement, à partir du moment où il y a du cash qui rentre, les montants commencent à être assez intenses. D'ailleurs, on parle de gens très connus comme M. Colgate, qui aurait commencé à faire des savons à New York au début du siècle. On disait qu'au tout début, lorsqu'il partit sa petite compagnie, il y avait très peu de sous qu'il donnait sur chaque dollar qu'il donnait à Dieu. C'était pas trop dur. Donner sur 100 $, 10 $, pas la fin du monde. Mais M. Colgate est devenu multimillionnaire. Multimillionnaire. Et il le dit lui-même que donner 3 millions, c'était un défi. Et qu'il aurait été incapable de donner 3 millions si ça n'avait été que de ce 10 $ au début de sa compagnie. Mais lui, il regarde, puis il n'est pas fou, il se dit, mais pourquoi j'ai autant de succès? Pourquoi je suis devenu le roi du savon dans l'État de New York, et ensuite à travers le monde? Parce que, en quelque part, pour lui, Dieu l'avait béni. Luc 16, 10. Une petite affaire, une grande affaire. D'ailleurs, c'est bien intéressant, c'est rarement les gens les plus riches qui donnent. Moi, je l'ai vu personnellement, puisque comme il y a des gens qui aident un peu ce ministère, je vois que les gens qui donnent, c'est souvent des gens qui sont dans la classe moyenne. La classe moyenne, c'est pas... Et je connais des gens à Albuquerque qui étaient très, très riches, et c'est pas nécessairement ces gens-là qui donnent. Ou ils vont donner, pas parler de leur cœur, mais ils vont donner comme une fois. Puis là, ils disent, ah, c'est fait. Alors que les gens qui ont moins de sous vont être plus généreux. C'est étonnant. Le don matériel, 4, correspond aux bénédictions spirituelles. D'ailleurs, on continue dans Luc 16, 11. On vient voir Luc 16, 10. Luc 16, 11 nous dit ceci. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui était le Dieu de l'argent. L'idée, encore une fois, c'est que tout ça est teinté par la spiritualité. C'est la spiritualité. C'est ça qui influence la façon dont on donne. C'est qu'on comprend les vérités dont on regarde aujourd'hui. C'est que tout ça, ça se fait dans un autre phénomène, pas seulement au niveau du cash, mais ça se passe dans notre compréhension de qui est Dieu. Qui est Dieu? Le don matériel correspond aux bénédictions spirituelles. Oh, mais combien? Est-ce que tu peux arriver au point? Combien on donne? Je ne sais pas combien donner. J'ai un petit peu de sous, puis... Bon, bonne question. Je me pose la même question. Le don doit être déterminé de façon légaliste. Mais non. Le don doit être déterminé de façon personnelle. Mais oui, mais c'est pas ce que la Bible dit, pasteur. Moi, je suis dans d'autres églises, et l'autre église disait que c'est 10% du brut. J'oublie. C'est pas l'impôt, là. D'ailleurs, on est en train de faire nos impôts, tous et chacun, puis vous l'avez déjà fait, on ne trouve pas ça particulièrement drôle. Et est-ce qu'il faut donner de la même façon dans l'Église? Oh, que c'est donc dur, il faut que j'aille me trouver un spécialiste ou même un programme biblique pour savoir comment donner, tu sais, comme les programmes pour ton impôt, là. La dîme, on a tous entendu parler de ça parce qu'on vient d'une société où l'Église traditionnelle mettait une emphase importante. La dîme, 10%, vient de l'Ancien Testament. La dîme vient de l'Ancien Testament. Pour Abraham et ses contemporains, le chiffre 10 symbolisait la totalité. Être complet. 10, c'est la totalité, c'est être complet. Bon. Quand on regarde des passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la dîme, il faut toujours interpréter ça dans la lumière du Nouveau Testament. Ben, dans le Nouveau Testament, partout, on nous dit donne 10%, donne 10%, donne 10%. Pas du tout. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune référence à la dîme, ou très, très peu. Ce qui veut dire qu'on est sous une nouvelle tutelle, une nouvelle intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence. Donc, ce n'est plus nécessairement mécaniquement le 10%, mais on voit dans la Bible qu'il y a un autre emphase. On en parle dans un instant. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, de dire que la dîme, c'était 10%, c'est inadéquat, ce n'est pas correct. La dîme, dans l'Ancien Testament, si tu regardes précisément, c'était 23%. C'est une accumulation de dons, 23%. Ça ressemble à quoi? Les impôts au Québec. Donc, en quelque part, la dîme dans l'Ancien Testament, c'était comme l'équivalent de nos impôts actuels. Ce n'était pas nécessairement seulement pour l'Église. C'était 23%. Dans le Nouveau Testament, je vous arrête, ou je m'arrête. Le chiffre 10% est intéressant quand même, parce que remarquez que sur 1 000 $, disons, ou 100, mais sur 1 000, disons, sur 1000, 10%, c'est quand même 100$. Hey, 100$, je pourrais faire bien des affaires avec ça. Waouh, un bon repas, un ci, un ça. Mais 5%, 50$. Sur 5% sur 1000, ça se donne assez facilement. Là. Ça commence à dire, bon, celui-là, c'est des peanuts, OK, je pense même pas. Mais 25% sur 1000, c'est un peu trop. 250, là, tu as peut-être la difficulté à payer ton loyer, là, ça devient un problème. Donc, 10%, c'est intéressant parce que ça semble être équilibré comme montant. Ça semble être équilibré comme montant. Mais encore une fois, ce montant-là va être déterminé de façon personnelle. Ça nous amène au sixième point. Le sixième point, c'est donner avec joie. C'est ça, la Bible. C'est ça, le Nouveau Testament. Donner avec joie. Venez avec moi dans 2 Corinthiens 9:7. 2 Corinthiens 9:7. Donner avec joie. Chapitre 9, verset 7. Bon, on a déjà vu chapitre verset 6. 2 Corinthiens 9:6, allons-y gaiement, comme on dirait. 9:6, 2 Corinthiens, enfin. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le mot joie, c'est hilaros en grec. Avec hilarité. Quelqu'un qui donne en se tordant. Pas facile. C'est pas facile. Surtout quand il y a plusieurs zéros, là. C'est pas évident. C'est bien difficile. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer nos cœurs. Il veut que nous donnons avec joie. Ou sinon, vous savez quoi? Il ne veut pas vos dons. les miens non plus. Oh, je trouve ça dur, moi, ça me tente pas de donner. Puis ça, moi, cet argent-là, puis j'ai travaillé fort. Mais tu sais, essayez de donner un cadeau à quelqu'un comme ça. Tu sais, mon époux, c'est Noël, mais oh, je pense que je vais le garder, mon certificat de 200$. Là. Moi, je le garde, OK? Parce que tu m'en as fait baver là, dans les derniers mois. Penses-tu que quand tu... OK, ben j'en veux pas ton cadeau. Je veux pas ton souper non plus, je veux pas te voir. T'sais. Non, mais l'idée, c'est qu'il faut donner avec joie, ou sinon, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Même chose pour Dieu. Dieu veut qu'on donne parce que ça fait partie de notre compréhension de l'économie biblique et chrétienne. Donner avec joie. 7. Donner en réponse aux besoins. Donner en réponse aux besoins. Rapidement, à Jérusalem, les gens donnaient parce que les gens avaient perdu leur travail. Ils devenaient chrétiens, ils se faisaient renvoyer, et les églises extérieures donnaient de l'argent à Jérusalem à travers Paul pour aider les pauvres gens qui ne pouvaient plus manger. Dans l'Église, sachez une chose, nous avons un ministère qui s'appelle À bras ouverts. Et en cas d'urgence, vous pouvez venir nous voir et nous voulons vous aider à traverser des moments difficiles. Pour ça, il faut des sous. Donc l'idée, c'est qu'on veut redonner aussi à la communauté chrétienne, premièrement, puis ensuite, une communauté plus large, lorsqu'on aura des ministères pour les sans-abri et autre chose que l'on planifie de toutes sortes de façons. Mais c'est de pourvoir aux besoins de la congrégation chrétienne. Dans une grosse église comme Calvary Chapel, tous les jours, il y avait des gens qui venaient. Des gens de la congrégation. J'ai plus d'argent, je ne peux pas payer mon loyer, j'ai plus d'électricité, ils vont me couper. Et on regardait la situation, on priait avec eux, on regardait s'ils avaient été fidèles avec leur argent, s'ils sont pas en train de boire. Et s'ils avaient vraiment besoin d'aide, on leur faisait un chèque. Et on les aidait, à coups de milliers de dollars parfois. Bon, dans une église où il y a des besoins tels, il y a aussi des ressources telles pour satisfaire cela. Faites attention aux faux besoins. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'argent. Parce qu'on ne veut pas mettre de pression et on ne veut pas vous mettre une prétention que Dieu a besoin de votre argent. Mais il y a des ministères, il y a des gens qui vont vous présenter des faux besoins. Qui vont vous dire, ah, mais j'ai besoin d'argent. Si tu fais ceci, tu fais cela, ça va changer le monde. Ah oui, faites vos devoirs. Allez sur l'Internet, demandez-moi, allez ailleurs. Cherchez pour être précis dans votre générosité. Parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3:10, si quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas manger non plus. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. 8e concept du don véritable. Le don démontre l'amour et non la loi. Le don démontre l'amour et non la loi. La clé, c'est le cœur. La clé, c'est le cœur, messieurs, dames. C'est l'attitude interne du cœur qui motive ce qu'on fait, ce qu'on donne. C'est d'être dans un désir de se sacrifier pour Dieu qui s'est sacrifié pour nous. En conclusion, l'idée, est-ce que Dieu veut seulement vos ressources financières pour poursuivre son travail? De toute évidence, non. Il veut ça aussi. Et voilà le but de parler du don de la générosité. Mais il désire votre vie tout entière. Il désire votre vie, il désire vos talents, votre service, votre temps. Ouais, mais qu'est-ce qui va me rester pour moi? Dieu vous redonnera, comme la Bible nous dit. Dieu va pourvoir à vos besoins. Et d'ailleurs, quand on fait une marche avec Dieu, on voit que c'est toujours de mieux en mieux. Dieu pourvoit toujours, pas nécessairement de plus en plus, mais de mieux en mieux. Il sait exactement nos besoins et il les satisfait. Il les satisfait. Un monsieur appelé C.T. Studd avait ce don de la générosité, le don de donner. Dans sa biographie, on voit une très belle histoire. On nous dit que son père, à lui, était très, très riche et qu'il aurait reçu un héritage de plusieurs centaines de milliers de dollars équivalent aujourd'hui. Mais c'était en 1880 et en 1880, ce serait 29 000 livres sterling. 29 000 livres sterling, c'est ce qu'il reçoit. Il décide de donner 25 000 livres sterling. Alors, il envoie 4 chèques de 5 000 livres sterling. Cinq chèques de 1000 livres sterling à différents endroits. Donc, on imagine qu'il a fait ses devoirs. Et on va voir, effectivement, il savait où envoyer son argent. Premièrement, il envoie 5000 livres sterling à Moody. Moody, qui était cet évangéliste qui venait de la Nouvelle-Angleterre, qui a eu un rôle majeur dans l'économie, dans la pensée chrétienne, dans la théologie mondiale. Ce monsieur-là, Moody, a fondé le Moody Bible Institute avec l'argent qu'il aurait reçu. C'est une école qui est encore en action, qui a écrit de grands livres. C'est majeur aux États-Unis et à travers le monde pour la chrétienté. Ensuite, il a renvoyé 5000 livres sterling à George Mueller. George Mueller, qui était un Anglais, qui avait décidé d'aider les orphelins de Londres et des régions environnantes, des enfants qui n'avaient rien à manger, il allait les chercher dans les rues et il a fondé des orphelinats. Et cet argent-là a été utilisé pour sauver des milliers de vies et amener bien de ces petits-enfants-là à la connaissance de Christ. Un impact important. George Mueller, d'ailleurs, a écrit des livres sur la foi. C'est fascinant si vous avez l'occasion de lire cela, George Mueller. Ensuite, il a renvoyé 5000 livres à Booth Tucker de l'Armée du Salut, qui était le commissionnaire de l'Armée du Salut en Inde à ce moment-là, et qui venait justement de prier le soir au préalable. Ils n'avaient plus de sous dans le ministère. Il reçoit ce chèque-là et ça lui permet d'envoyer 50 nouveaux officiers à travers l'Inde et à travers différents endroits pour avoir un impact majeur. Et finalement, il donne aussi plusieurs milliers de livres à China Inland Mission. China Inland Mission, c'est le travail de Hudson Taylor en Chine. Et on nous dit qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a à peu près 15 000 personnes qui viennent à la connaissance de Christ par jour en Chine, en résultante du travail qui aurait commencé dans de China Inland Mission. Alors, on voit que ce don-là a eu un impact permanent. D'ailleurs, ce petit monsieur-là, M. Studd, après avoir tout donné, lui et sa femme, ils prirent tout ce qui restait de choses et ils partirent pour l'Afrique et devinrent des missionnaires jusqu'à la fin de leur jour. Bon, ça, c'est de toute évidence le don. C'est un don surnaturel de tout donner, d'être généreux de soi. Sommes-nous appelés à cela? Peut-être certains d'entre vous. Peut-être certains d'entre vous êtes appelés à cela. Sachez que le rôle que vous jouerez dans l'économie mondiale chrétienne est très, très important. Mais chacun d'entre nous, messieurs, dames, nous sommes appelés à investir dans le royaume de Dieu, à ne pas avoir peur, à ne pas être chiche envers ceux que nous aimons. Et est-ce que Christ fait partie de ceux que nous aimons et son travail? On l'espère. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins, comme il pourvoira aux miens. Seigneur Jésus, voilà notre désir de mieux comprendre l'utilisation de ces billets verts que nous avons dans notre porte-monnaie. Certains d'entre nous en ont très peu. Certains d'entre nous en ont beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'argent que tu nous donnes? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Seigneur? Comment comprendre l'utilisation du cash? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Seigneur, nous voulons te redonner notre cœur, notre intelligence, et que tu nous renouvelles cette intelligence par rapport aux finances. Seigneur, aide-nous à participer à ton travail local, national, mondial. Que ces gens-là qui ont investi dans le royaume de Dieu et qui changent encore nos vies aujourd'hui puissent être des modèles. Mais que le modèle ultime, ce soit Christ, le sacrifice ultime de sa personne, le sacrifice ultime de tout ce qu'il était pour nous rendre riches en lui. Nous te redonnons cette vérité. Nous te redonnons notre argent. Aide-nous à en avoir assez pour nos besoins quotidiens et aide-nous à comprendre comment cet argent peut fructifier le travail de Dieu. Nous te demandons ça avec humilité, avec reconnaissance que l'argent, c'est un problème. Pour la plupart d'entre nous, pour le monde entier, c'est un problème. Mais aide-nous à ne pas être sous l'emprise de l'argent, mais libérés et fortifiés par l'argent. C'est au nom de Christ que nous prions. Amen.